faire du silence. Le soleil dessine au fond de nos yeux des mots comme en vacances, juste pour se dire que les jours sont bleus. C'est pas plus qu'un dimanche, un jour qui se glisse entre deux, comme une tranche d'indolence sans équilibre. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Couché dans le ciel, à regarder la terre qui danse. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Quelle importance? Si malgré le soleil, malgré l'amour et l'indolence, les étoiles éternellement auront une nuit d'avance. Ce tango désaccordé qu'on danse dans les ruelles fait frissonner nos corps, nous fait croire que la vie peut être belle. C'est pas plus qu'un dimanche, un jour qui se glisse entre deux adieux, une fête en nonchalant sous les forains seront jamais vieux. Couchés dans le ciel, les anges qui passent, c'est sans balance. On peut tout foutre en l'air, quelle importance. Si malgré les ruelles, la danse et la nonchalance, les étoiles éternellement auront une nuit d'avance. Écoute. Le silence, loin de ces nuits qui vident nos cœurs, de ces jours toujours remplis de violence. Ouais, écoute la cadence de ce tango triste et joyeux comme ce dimanche. Accroché dans le ciel, la terre qui passe et s'en balance. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Quelle importance? Si malgré le soleil qui est venu réchauffer ce dimanche, les étoiles éternellement auront une nuit d'avance. Car malgré le soleil qui est venu réchauffer ce dimanche, les étoiles éternellement auront une nuit d'avance. Ouais, les étoiles éternellement auront une nuit d'avance.